suis perdu quelque peu. Rien ne me dit, je suis paresseux. Sauf pour écrire des chansons, mais je ne sais vraiment pas si c'est bon. J'ai besoin de ma tête, mais elle s'en fout comme c'est bête. Mon esprit se déchaîne, il m'entraîne vers la haine. Je ne veux pas tomber, même si je suis solidement sonné. Je vais déjà mieux qu'hier. Mon esprit fou, je lui dis de se taire. Va bien falloir y croire. Me retrouve seul dans l'histoire. Faut réécrire le scénario. Je ne peux pas encore crier bravo, bravo. Mais quand j'aurai réussi, je pourrai peut-être penser à avoir eu et quelqu'un avec qui j'ai envie de relever d'autres défis. La musique comme ami, se chanter tout ce qu'on ne s'est pas dit, de sorte qu'on soit complice pour la vie. Je m'ennuie de toi, je t'aime encore, tu le vois. On tourne la page, faut oublier le bravo, je ne peux encore le crier. Mais quand j'aurai réussi, je pourrais peut-être penser à avoir une autre vie et quelqu'un avec qui j'ai envie de relever d'autres défis. La musique comme ami, se chanter tout ce qu'on ne s'est pas dit, de sorte qu'on soit complice pour la vie. Tu le vois.